Donc, bien entendu, pour mesurer les températures, nous utilisons des instruments. On a quelques contraintes. Bon, tout le monde a entendu parler d'un thermomètre, mais il faut savoir qu'un thermomètre, ça peut être différents types de capteurs. Donc, il faut déjà, pour pouvoir comparer les différentes mesures, il faut homogénéiser nos valeurs. Ça veut dire quoi, homogénéiser? Ça veut dire qu'il va falloir tenir compte de la nature du capteur utilisé, d'éventuels changements du capteur et de la modification de l'environnement que l'on a. Exemple, un thermomètre à mercure est totalement différent d'un bilame qui se compose de deux lames de métal qui vont se tordre en fonction de la variation de la température, qui est encore totalement différent d'une thermistance qui va également mesurer la température. C'est pour cela que tous les abris météorologiques sont situés de la même manière, c'est-à-dire un abri blanc ventilé, positionné à 2 mètres au-dessus du sol avec une porte ouverte au nord, de manière à pouvoir comparer les paramètres que l'on mesure. Donc, nous avons la nécessité d'avoir, d'une part, des séries de mesures très longues, 50 ans ou plus, et homogènes, c'est-à-dire qu'on va utiliser une méthode statistique pour gommer les éventuelles irrégularités, le changement de capteur, la modification de l'environnement. Par exemple, vous avez placé votre abri météorologique dans un parc découvert. On a planté des arbres. Quelques années plus tard, ces herbes ont poussé. Ça va modifier votre environnement et le rayonnement autour du site ne sera plus le même. Donc, ce sont des ruptures qu'on va constater assez facilement, parfois même à l'œil nu, en regardant les courbes d'évolution des températures. Donc, l'idée à retenir, c'est que vraiment, pour pouvoir étudier des variations de température, il va falloir utiliser des séries homogènes, donc recalculer, limer statistiquement. Donc, j'en reviens un petit peu à l'évolution de la température mondiale. C'est un graphique qui compare les températures au niveau de la Terre, donc les températures moyennes, qui est un paramètre pertinent. Alors, en bleu, uniquement la température mesurée et ensuite l'évolution à partir des années 70, si l'on ne prenait en compte que la variabilité solaire et l'activité volcanique de la Terre. En jaune, la variabilité solaire, les volcans, les gaz à effet de serre et les aérosols. On constate qu'à partir des années 70, donc à partir du moment où on a une très forte industrialisation, donc des rejets beaucoup plus importants en gaz à effet de serre, on constate que la température de la Terre a augmenté significativement, la température moyenne de la Terre. Donc c'est un fait avéré. Ça veut simplement dire que l'activité humaine rajoute de l'énergie, rajoute de la chaleur à la Terre. Et cette variation est supérieure à celle des variations climatiques normales, naturelles. Autre chose, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre.